الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله نجاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم كما تعلمون جميعا إن شهر رمضان شهر كله بركة وخير، أيام وليالي، وتختص العشر الأواخر منه بمزيد مزية على غيرها بخصائص عظيمة وفضائل جليلة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وعنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأحيا ليلة وأيقظ أهله، رواه البخاري ومسلم. أي يجتهد في العبادات من الصلوات والصدقات والإكثار من تلاوة القرآن إلى غير ذلك، ويعتزل نساءه، فلا يتلذذ بالمباحات، لا يتلذذ إلا بمناجاة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه تبارك وتعالى. يحلي ليلة كلها بالعبادة طلبا لثواب الله تبارك وتعالى وإدراكا لليلة القدر، هذه الليلة العظيمة. ومما يدل على فضائل العشر أنه أيقظ أهله للصلاة، أيقظ أهله للصلاة ولعبادة الله حرصا عليهن في اغتنام هذه العشر الأواخر والثواب العظيم. وفي هذا أن الرجل قدوة لأهل أسرته، ولا ينبغي للعاقل المسلم أن يفوت عليه هذه الفرصة العظيمة. وإنه من الحرمان العظيم والخسارة أنك ترى في بعض بيوت المسلمين تضيع الأوقات أمام الشاشة، أمام التلفاز، وفي سماع الأغاني، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه. هؤلاء أقعدهم الشيطان عن التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن خصائص العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها، داوم على الاعتكاف العشر الأواخر. والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهي سنة ثابتة في القرآن وفي السنة. قال الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف معه أصحابه وبعده كذلك، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، رواه البخاري ومسلم. كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه، هذه هي السنة، والهدف التفرغ لعبادة الله والتقرب إليه طلبا لليلة القدر. فلا يشتغل المعتكف بالناس والكلام الفارغ، وله أن يتكلم قليلا مع الناس بالكلام المباح، ويحرم عليه الجماع ومقدماته كالتقبيل. أيضا لا يخرج إلا لما لابد منه كالوضوء وأخذ الطعام لمن لا يجد ذلك في المسجد. إذا احتاج إلى ذلك له أن يخرج من المسجد، فلا يخرج إلى درس مثلا، ولا إلى بيع ولا شراء. كل هذه الأمور منافية للاعتكاف. ومن خصائص العشر فيها ليلة القدر التي شرفها الله سبحانه وتعالى على غيرها، فهي خير ليالي السنة على الإطلاق. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. هذه هي ليلة القدر، أخبر الله سبحانه أنها ليلة مباركة لكثرة خيرها وفضائلها، ومن ذلك أن القرآن العظيم، أن القرآن الكريم، أن القرآن المجيد أنزل في ليلة القدر، ومن ذلك أنه يحصل في التقدير السنوي، وعظم الله من شأنها وأظهر خيرها وفضلها حيث أنزل سورة كاملة في شأن هذه الليلة، فقال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، كرر ذلك تعظيما لها وإعظاما لشأنها. فهي ليلة القدر ليلة ذات شرف وليلة التقدير والقضاء السنوي. ليلة القدر خير من ألف شهر، فضل من الله سبحانه وتعالى وتكرما منه جل وعلا. فتعبد الله سبحانه وتعالى ليلة واحدة فتؤجر كأنك عبدت الله أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تنزل الملائكة بالرحمة والبركة، وجبريل عليه السلام معهم ينزل. هذه الليلة سلام سلام إلى الفجر تنتهي ليلة القدر، سلام لكثرة الأعمال الصالحة، سلام لكثرة العتقاء من النار سبحانه وتعالى برحمة الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام إيمانا واحتسابا، أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم إيمانا بالله وبوعده وبثوابه محتسبا في رحمته وكرمه جل وعلا. ثم أين هي هذه الليلة المباركة العظيمة؟ هي في أوتار العشر الأواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من رمضان، وقد تنتقل من عام إلى عام آخر كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. وكل ليالي رمضان مباركة وعظيمة، إن أن ليلة القدر أعظم وأشرف من غيرها، وأخفى الله سبحانه وتعالى علمها على العباد رحمة به ليستكثروا من الطاعات والعبادات وليعظم أجورهم عند الله سبحانه وتعالى. فأكثروا يا عباد الله من تلاوة القرآن، كان قتادة يختم القرآن في العشر الأواخر في كل ليلة وأكثروا من ذكر الله والاستغفار والدعاء. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن وفقت لليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالاستكثار من الدعاء والاستغفار مطلوب في هذه العشر الأواخر، وهكذا أكثر من الصدقات وإطعام الطعام وسائر أنواع العبادات. وحكمة عظيمة تتميز يعني بإخفاء ليلة القدر، تتميز بهذا الإخفاء الصادق المجتهد الصادق مع الله في طلب الجنة ورضوانه ومغفرته، يتميز من الكسال من الكسلان من الكسلان الذي ينام عن جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا إلى ليلة القدر، كما لا أنسى أن أدعو لإخواننا في فلسطين المستضعفين، أسأل الله عز وجل يحفظهم من كل شيء وأن ينتقم من المجرمين الأفاكين الغاصبين، اللهم عليك بهم اللهم عليك به يا عزيز يا قوي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، ce mois béni dans lequel nous sommes, le mois de Ramadan, du début à la fin, est un mois rempli de bénédictions et de bienfaits, ainsi que de mérites. Et il y a d'énormes récompenses. Si ce n'est que la fin de ce mois et ces dernières nuits, les 10 dernières nuits, sont meilleures que l'ensemble du mois et l'ensemble des nuits de l'année. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré ses mérites et ses particularités. Parmi ces particularités, ce que nous rapporte Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts dans les 10 dernières nuits, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, qu'il n'en faisait dans les autres jours. Au point où il réveillait ses épouses afin qu'elles accomplissent la prière et invoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Elle nous dit, radiallahu anha, lorsque les 10 derniers jours entraient, ou les 10 dernières nuits, il s'éloignait de ses épouses, veillait la nuit en adoration et réveillait ses épouses afin qu'elles adorent Allah. Donc dans ces deux hadiths, nous voyons le mérite de ces 10 dernières nuits et de ces 10 derniers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts car il y a plus de bénédictions et plus de récompenses. Il passait toute la nuit en adoration au point de s'éloigner de ses épouses, une chose qu'Allah azza wa jal a accordée à l'homme durant le mois de Ramadan. Mais il préférait trouver son plaisir dans l'invocation d'Allah, dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et la lecture du Coran, la prière et l'ensemble des adorations qu'Allah aime et agrée. Et dans cela, dans le fait qu'il réveille ses épouses, il y a un grand enseignement pour nous. C'est le fait d'être des exemples pour nos épouses et nos enfants. Le fait de les éduquer, de les encourager dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de ne pas penser qu'à soi. L'homme doit être un exemple dans sa famille, dans sa maison. Et il ne convient pas aux musulmans doués de raison de perdre son temps durant ces 10 derniers jours et ces 10 dernières nuits. Car c'est une occasion, on ne sait pas si elle reviendra. Combien sont ceux qui ont jeûné l'année dernière, qui ont prié l'année dernière, mais qui n'ont pas l'occasion cette année d'en faire de même, soit car ils ont été enterrés, sont dans leur tombe, ils ne peuvent plus se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, soit car ils sont tombés malades et ne peuvent plus venir à la mosquée pour adorer Allah, ou ne peuvent plus jeûner. Donc ne perdez pas cette occasion qu'Allah azza wa jal nous accorde et par laquelle il nous a gratifié. Et parmi les choses qui nous attristent et nous désolent, le fait de voir de nombreux musulmans perdre leur temps dans ces 10 derniers jours devant la télé, ou bien dans les rues, dans les cafés, les bars, à jouer aux échecs ou aux autres jeux dans lesquels il y a une grande perte de temps. Comment est-ce que tu peux perdre ton temps devant la télé, les émissions, dépourvues de tout bien, ou dans la rue, traîner, ou dans les cafés, avec tes amis, alors que le marché du paradis est ouvert, alors qu'on te propose un paradis vaste comme les cieux et la terre? Comment est-ce que tu peux perdre ton temps alors que tu n'as été créé que pour adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère? Donc ne perdez pas votre temps, ni durant ces 10 dernières nuits, ni durant l'année. Et celui qui délaisse l'adoration et perd son temps dans ces 10 dernières nuits, c'est que Shaytan aura été son allié. C'est qu'il se sera éloigné d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il n'aura pas voulu son bien. Parmi la particularité de ces 10 dernières nuits, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la retraite spirituelle, l'i'tikaf, il se coupait de la dunya et restait à la mosquée afin d'adorer Allah azza wa jal et de se consacrer à cela. Allah nous dit en Coran, et n'approchez pas vos épouses alors que vous êtes en retraite dans les mosquées. C'est donc une sunnah. Le fait de rester à la mosquée ces 10 dernières nuits, ces 10 derniers jours, ou ce qu'Allah azza wa jal t'aura facilité, tu restes à la mosquée que pour invoquer Allah, l'adorer, et tu t'éloignes des gens la majeure partie du temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette chose, c'est donc une sunnah que nous devons revivifier, celui qui en a la capacité. Également, ses compagnons mis en pratique cette sunnah de son vivant et après sa mort, ainsi que ses épouses radiallahu anhum ajma'in. Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait la retraite spirituelle les dix dernières nuits du mois de Ramadan jusqu'à sa mort. Donc il a fait cette sunnah continuellement. Il priait la prière du Fajr et ensuite allait dans l'endroit de la mosquée dans lequel il voulait rester. Et le but dans cela est de se rapprocher d'Allah et de ne pas manquer la nuit de la destinée. La personne ne doit donc pas se préoccuper des gens et perdre son temps dans les discussions futiles. Elle a la permission de parler un minimum avec les gens. Et il y a des règles pour l'i'tikaf. La personne n'a pas le droit de sortir de la mosquée, si ce n'est en cas de nécessité, comme pour faire ses ablutions, comme pour aller faire ses besoins ou aller chercher de la nourriture si on ne lui en apporte pas. Et la personne en i'tikaf n'a pas le droit de se rendre auprès de ses épouses pour des rapports ou les embrasser ou autre. Celui qui est en i'tikaf doit se couper de ce bas monde, doit se couper de tout contact avec ses épouses, c'est-à-dire contact charnel. Parmi la particularité de ces 10 dernières nuits, la nuit de la destinée, qu'on nomme Laylatul Qadr, la nuit du destin ou la nuit de la grande valeur. Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette nuit, a révélé le Qur'an. Parmi la bénédiction de cette nuit, le fait qu'Allah azza wa jal ait révélé le Qur'an, il nous dit, nous l'avons révélé dans une nuit, durant une nuit bénie. Il nous enseigne également que durant cette nuit, il y a le destin annuel. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal décrète tout ce qui sera, tout ce qui aura lieu durant cette année. Dans une autre sourate consacrée à cette nuit, Allah azza wa jal nous enseigne que durant cette nuit, les anges descendent ainsi que Jibril alayhi salam, et que l'adoration durant cette nuit est meilleure que 1000 mois. Environ 83 ans. Celui qui adore Allah azza wa jal durant la nuit du destin aura la récompense d'avoir adoré Allah plus de 80 années. Donc c'est un bienfait qu'Allah azza wa jal nous a accordé. Il nous faut donc ne pas perdre cette occasion de nous rapprocher d'Allah. Tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala avec la lecture du Qur'an, avec le repentir, avec la prière, avec les aumônes, en aidant les gens à rompre leurs jeûnes, en dépensant de ton argent pour les mosquées, en dépensant de ton argent pour les pauvres, en liant les liens de parenté, tout ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, le prophète sallam nous dit, celui qui prie la nuit de la destinée avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des indices quant à cette nuit en nous disant, elle se trouve dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc le 21, le 23, le 25, le 27 et le 29. La nuit du destin est probablement dans l'une de ces nuits. Et il nous faut faire des efforts dans les 10 dernières nuits pour être sûr de ne pas la manquer, comme le faisaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Les plus prédécesseurs lisaient énormément le Coran. Qatada lisait chaque semaine une fois le Coran. Puis lorsqu'il arrivait dans les 10 dernières nuits, il le finissait chaque jour. Il le finissait chaque nuit. L'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala finissait le Coran 60 fois durant le mois de Ramadan. Certains le finissaient tous les 3 jours, certains le finissaient tous les jours. L'imam al-Bukhari le finissait une fois la journée et une fois la nuit. Une fois en le lisant, une fois dans la prière. C'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Il faut faire également beaucoup de dua. Aïcha radiallahu anha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, si Allah me facilite la nuit du destin, que devrais-je dire? Il lui a dit, dis, oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, accorde-moi donc ton pardon. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, accorde-moi donc ton pardon. Et aussi, il nous faut demander pardon à Allah azza wa jal pour tous nos péchés, ce que nous avons fait durant ce mois, nos manquements que nous avons durant ce mois et durant notre vie. Et on demande à Allah azza wa jal de nous accorder la nuit des destins et l'excellence durant ces 10 dernières nuits. Et nous n'oublions pas nos frères opprimés dans le monde, que ce soit en Palestine ou dans d'autres pays. Et on demande à Allah azza wa jal, de par sa puissance et sa grande force, de repousser le mal et les injustices que subissent nos frères en Palestine et dans tous les pays. Tout comme nous demandons à Allah azza wa jal de les préserver de toute nuisance. Et qu'il accorde sa vengeance sur ceux qui sont injustes parmi ses serviteurs, et qu'il les rétribue dans ce bas monde et dans l'au-delà selon ce qu'ils méritent.